Bonne journée. Ok. I'm

c'est la fin. C'est sympa un peu d'acoustique, hein. Il parle beaucoup sans réfléchir, n'ont jamais rien à dire. Allez, Dicky. Dicky. Thank you. más. Ya no te puedo ver. Decime dónde estás. J'arrête la basse.